Actes chapitre 5. Or un homme nommé Anania, ayant avec Saphira, sa femme, vendu une possession, retint une partie du prix, du consentement de sa femme, et en apporta quelques parties, et la mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, Anania, comment Satan s'est-il emparé de ton cœur jusqu'à t'inciter à mentir au Saint-Esprit, et à soustraire une partie du prix de la possession? Si tu l'eusses gardée, ne te demeurait-elle pas? Étant vendue, n'était-elle pas en ta puissance? Pourquoi as-tu formé un tel dessein dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Anania, entendant ces paroles, tomba, et rendit l'esprit, ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui en entendirent parler. Et quelques jeunes hommes se levant, le prirent, et l'emportèrent dehors, et l'enterrèrent. Et il arriva environ 3 heures après, que sa femme aussi, ne sachant point ce qui était arrivé, entra. Et Pierre prenant la parole, lui dit, « Dis-moi, avez-vous autant vendu le champ ?» Et elle dit, « Oui, autant. » Alors Pierre lui dit, « Pourquoi avez-vous fait un complot entre vous de tenter l'Esprit du Seigneur ? Voilà à la porte les pieds de ceux qui ont enterré ton mari, et ils t'emporteront. » Et au même instant elle tomba à ses pieds, et rendit l'Esprit. Et quand les jeunes hommes furent entrés, ils la trouvèrent morte, et ils l'emportèrent dehors, et l'enterrèrent auprès de son mari. Et cela donna une grande crainte à toute l'Église, et à tous ceux qui entendaient ces choses. Et beaucoup de prodiges et de miracles, se faisaient parmi le peuple, par les mains des apôtres, et ils étaient tous d'un accord au portique de Salomon. Cependant nul des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, tant d'hommes que de femmes, se multipliait de plus en plus. Et on apportait les malades dans les rues, et on les mettait sur de petits lits et sur des couchettes, afin que quand Pierre viendrait, au moins son nombre passât sur quelqu'un d'eux. Le peuple aussi des villes voisines s'assemblait à Jérusalem, apportant les malades, et ceux qui étaient tourmentés des esprits mondes, et tout était guéri. Alors le souverain sacrificateur se leva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, qui étaient la secte des Sadducéens, et ils furent remplis d'envie. Et mettant les mains sur les apôtres, ils les firent conduire dans la prison publique. Mais l'ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison, et les ayant mis dehors, il leur dit, « Allez, et vous présentant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent dès le point du jour dans le temple, et ils enseignaient. Mais le souverain sacrificateur étant venu, et ceux qui étaient avec lui, ils assemblèrent le conseil et tous les anciens des enfants d'Israël, et ils envoyèrent à la prison pour les faire amener. Mais quand les huissiers y furent venus, ils ne les trouvèrent point dans la prison, ainsi ils s'en retournèrent, et ils rapportèrent, disant, « Nous avons bien trouvé la prison fermée avec toute sûreté, et les gardes aussi qui étaient devant les portes, mais après l'avoir ouverte, nous n'avons trouvé personne dedans. » Et quand le souverain sacrificateur, et le capitaine du temple, et les principaux sacrificateurs, eurent ouï ces paroles, ils furent fort en peine sur leur sujet, ne sachant ce que cela deviendrait. Mais quelqu'un survint qui leur dit, « Voilà, les hommes que vous aviez mis en prison sont au temple, et se tenant là, ils enseignent le peuple. » Alors le capitaine du temple avec les huissiers s'en alla, et il les amena sans violence, car il craignait d'être lapidé par le peuple. Et les ayant amenés, ils les présentèrent au conseil. Et le souverain sacrificateur les interrogea, disant, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément de n'enseigner en ce nom-là ? Et cependant voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. » Alors Pierre et les autres apôtres répondant, dirent, « Il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait mourir, le pendant au bois. Et Dieu l'a élevé par sa puissance pour être prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ce que nous disons, et le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, en est aussi témoin. Mais eux ayant entendu ces choses, grinçaient les dents, et consultaient pour les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se levant dans le conseil, commanda que les apôtres se retirassent dehors pour un peu de temps. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous devrez faire touchant ces gens. Car avant ce temps-ci s'éleva Teda, se disant être quelque chose, auquel se joignit un nombre d'hommes d'environ 400, mais il a été défait, et tous ceux qui s'étaient joints à lui, ont été dissipés et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen, au jour du dénombrement, et il attira à lui un grand peuple, mais celui-ci aussi est péri, et tous ceux qui s'étaient joints à lui, ont été dispersés. Maintenant donc, je vous dis, ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes, et laissez-les, car si cette entreprise, ou cette œuvre, est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne la pourrez détruire, et prenez garde que même vous ne soyez trouvés faire la guerre à Dieu. Et ils furent de son avis. Puis ayant appelé les apôtres, ils leur commandèrent, après les avoir fouettés, de ne parler point au nom de Jésus, après quoi ils les laissèrent aller. Et les apôtres se retirèrent de devant le conseil, joyeux d'avoir été rendus dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner, et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple, et de maison en maison.